bah alors, dis donc, tu vois, il paraît qu'ils vont nous remplacer le curé. Ah bon? Ah oui, à nouveau. Un jeune. Oh, c'est ah bien, regardez, il arrive, regardez comme il est beau. Oh, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, les ananimes aiment l'oreille gay. L'oreille gay aime les ananimes. Et on foutre le feu à cette église, ouais. Allez, merci, à dimanche prochain.